La délégation de l'Union des enseignants coréens au Japon, conduite par Cho Han-soo, président du présidium de son comité central, a visité le 3 août le palais du soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.